Maïf, inégalité, climat, surconsommation. Face aux défis environnementaux et sociétaux, il est urgent d'agir. Le changement passe aussi par ces milliers de petites entreprises qui s'engagent au niveau local et font vraiment bouger les choses. À la Maïf, chaque acte compte. C'est pourquoi nous avons choisi d'accompagner les petites entreprises qui développent des pratiques plus responsables. Assurer et accompagner les petites entreprises engagées, c'est aussi ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Elsa Schiaparelli, la créatrice de mode Rose Shocking. Elsa Schiaparelli, un nom un peu oublié aujourd'hui, qui nous ramène au temps révolu où les femmes dominaient la haute couture à Paris. Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet ou Coco Chanel. Italienne devenue parisienne après un crochet par New York, Elsa Schiaparelli est en 1934 la première créatrice de mode à faire la couverture du magazine Time. Il faut la voir, cette brune au regard décidé et insolent, emmitouflée dans un manteau de fourrure, sur la tête un simple béret posé sur le côté. Un mélange d'audace et d'élégance en mouvement qui aujourd'hui encore inspire. Cette grande amie des surréalistes, la mode était synonyme d'extravagance, de liberté, d'humour et de fête. Il en fallait de la fantaisie et du cran pour porter son chapeau en forme de chaussure, sa cape rose shocking, ses gants avec de fausses griffes de chat, ou encore sa robe, co-signée avec Salvador Dali, avec au niveau du pubis un énorme homard brodé. Elsa Schiaparelli, c'est aussi l'histoire d'une femme indépendante arrivée à Paris sans le sou et seule avec sa fille, mais les yeux grands ouverts et la tête pleine d'idées. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Elisabeth de Feydeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, autrice d'une biographie, Elsa Schiaparelli, l'extravagante, qui est sortie en 2022 chez Flammarion. Alors on dit aujourd'hui d'Elsa Schiaparelli qu'elle est une des grandes créatrices de mode, une des plus importantes du XXe siècle. Elle est née en 1890, morte il y a plus de 40 ans en 1973. Mais comment expliquer qu'elle ait été oubliée si longtemps ? Parce que finalement, quand elle ferme sa maison de couture en 1954, elle la ferme définitivement, c'est-à-dire qu'elle ne se choisit pas de successeur. Donc forcément, c'est rattaché à sa personnalité et, comme vous l'avez dit, elle meurt en 73. Donc voilà, ça s'est oublié, mais alors pas totalement, parce que dans le milieu de la mode, quand on regarde aujourd'hui certaines collections, on y trouve beaucoup d'emprunts ou d'inspirations à ce qu'elle a apporté aux femmes. Alors, l'histoire que je vais raconter commence en 1926. Elsa Schiaparelli a déjà 36 ans, mais à l'époque, donc, elle n'est pas du tout connue. Elle vit seule à Paris avec sa fille, Gogo. Heureusement, elle a des amis qui l'aident. D'où vient-elle ? Quelle a été sa vie avant ? Une vie assez longue et aventureuse. Alors, une vie longue et aventureuse qui aurait pu être un long fleuve tranquille, puisqu'elle est née dans un milieu aristocrate italien. À Rome. À Rome, voilà. D'ailleurs, elle y tient beaucoup. Elle dit toujours « je viens de Rome ». Son père est un linguiste orientaliste qui dirige la bibliothèque du palais Corsini. Donc elle vit dans ce palais Corsini qui a quand même abrité des personnalités célèbres, dont la reine Christine. Et puis, elle, de par sa mère, elle est descendante des Médicis. Donc si vous voulez, elle a quand même, sur le plan ligné, Après, il faut en faire quelque chose de cette lignée. Absolument. Alors, ses parents avoir un destin tout tracé, c'est-à-dire qu'elle pourrait épouser un prince russe qui est son prétendant, qui se meurt d'amour pour elle, mais elle n'en a pas du tout envie, et elle va décider de sa vie en quittant sa famille jeune pour devenir fille au père à Londres. Elle est rebelle depuis longtemps, hein. Déjà petite fille, elle fait des bêtises, enfin bon, il y a beaucoup de petites filles qui font des bêtises, mais bon, elle se met des graines de fleurs dans les oreilles parce qu'elle pense que ça va faire pousser des fleurs. Elle se croit laide aussi. Oui, et c'est un point névralgique très important dans sa vie. Ce qu'elle appelle d'ailleurs dans ses mémoires sa lutte. Et cette lutte, c'est cette blessure narcissique, car dans les yeux de sa mère, Elsa se voit laide. Et elle a une sœur aînée qui, elle, au contraire, possède cette beauté solaire. Et ça, pour elle, c'est une fracture, c'est une douleur qu'elle va transcender par une imagination extrêmement fertile, qui évidemment tourne souvent aux bêtises, et aussi déjà du surréalisme. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut faire de ses rêves des réalités, d'où ces fameuses graines magiques, parce qu'elle pense que en faisant pousser des fleurs à la place de ses yeux, de sa bouche, de son nez et de ses oreilles, eh bien, elle sera belle. Et évidemment, rien n'a poussé. Quand elle est un peu plus âgée, donc elle écrit des poèmes érotiques, elle est envoyée en pension, ses parents ne savent plus quoi trop faire d'elle, et elle finit par partir à Londres. Oui. Et là, elle va rencontrer un homme un petit peu étrange, qui va devenir son mari. Absolument, elle veut trouver donc son destin, et évidemment, elle n'obéit pas à tout ce que ses parents pourraient lui conseiller de faire, et elle va tomber sur cet homme, qui est en fait un mauvais garçon, même si lui aussi a un pédigré, tout ce qu'il y a de plus il a un nom impossible, noble, aristocrate. Wilhelm de Wendt de Kerlor. De Kerlor, voilà, c'est un comte polonais, on ne sait pas trop bien, c'est un drôle de personnage. Oui, c'est un aventurier. Un médium, un théosophe, oui. c'est la grande époque. Oui, c'est la grande époque de toutes ces sciences occultes, qui sont d'ailleurs interdite. Et alors, elle, Elsa, a toujours été très mystique et elle est forcément très attirée. Et puis en plus, il est très beau. Il est très elle beau. Elle tombe enceinte, mais il la quitte. Et elle se retrouve toute seule à New York avec un bébé qui vient de naître. Et elle va, avec une amie, revenir en France. Et c'est là qu'elle va, petit à petit, essayer de s'en sortir. Et elle va entrer dans le milieu de la mode, notamment grâce à Paul Poiret. Absolument. Elle a un peu tous les malheurs à ce moment-là. Elle quitte New York, mais même si New York va énormément la nourrir, on va le retrouver par la suite. Oui, parce qu'elle rencontre là des surréalistes. Son enfant est handicapé. Elle a pas un sou quand elle arrive à Paris. Paris va lui offrir une chance. Et cette chance s'appellera évidemment Paul Poiret, qui va devenir son mentor. Qui est un grand couturier de l'époque. Le grand couturier, l'ami des dames de l'époque. Et surtout, lui va comprendre cette personnalité à part, singulière en fait, qui est celle d'Elsa Schiaparelli. Il va la mettre sur scène. C'est comme ça qu'elle va commencer à s'intéresser à la mode. Merci donc Elisabeth de Feydeau. On se retrouve évidemment tout à l'heure pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, Elsa Schiaparelli, la créatrice de mode Rose Shocking, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Sophie Picon. Il va neiger. Il faut que je redescende vite. La piste est trop raide de ce côté. Si j'allais casser un ski ou me briser quelque chose. Et si je prends par là, pas sûr que ce soit moins dangereux. Ça ressemble à ma vie. Je n'arrive pas à me décider. J'ai 36 ans, pas de mari, pas de métier. Tout ce que je sais faire, c'est trouver un tissu et inventer un vêtement, c'est tout, à l'intuition. Mais est-ce que j'ai le don, oui ou non? Celles que j'admire tant, Madeleine Vionnet et Jeanne Lanvin, elles y sont bien arrivées à créer leur propre maison. Mais elles étaient déjà couturières. Moi, je ne connais absolument rien à la couture. Il n'y a que Paul Poiret pour me dire « Persistez dans votre voie, vous en avez l'énergie, le talent ». Le grand Paul Poiret, ce n'est pas rien. Ah, et puis qu'est-ce que je risque? Bon, la neige commence à tomber. Allez, tout chousse. Mars 1926, dans les Alpes suisses. Elsa Schiaparelli est venue voir sa fille, Yvonne, surnommée Gogo, qui est soignée dans une clinique de Lausanne. La fillette de 6 ans est atteinte d'une poliomyélite qui atrophie une de ses jambes. Quand Gogo est née en 1920 à New York, Elsa était déjà séparée de son mari. En 1922, son divorce était prononcé et elle revenait en Europe s'installer à Paris. Sans argent, seule avec une petite fille malade, elle vit chez une amie américaine qui l'a fait engager comme styliste dans une petite maison de couture. En cet hiver 1926, elle séjourne avec sa fille et une de ses amies d'enfance italienne, Gabriella di Robilante, dans la station de Saint-Moritz. Gogo dort sur la banquette. Même le bruit du restaurant ne l'éveille pas. Tu as vu, elle va mieux. Elle est tout pour moi, ma fille adorée. Elle a bu trop de chocolat. Elle m'a demandé tout à l'heure où était son père. Je lui ai répondu que je n'en avais pas la moindre idée. Et tu sais ce qu'elle m'a dit ? C'est pas grave, tu es mon père et ma mère. Elle a tout compris, à 6 ans. Pourquoi tu ne me racontes rien de ta vie à New York ? Oh, j'ai tiré un trait dessus. Quand je l'ai épousée, mon mari était végétarien et il ne buvait pas. Mais New York a eu sur lui un effet désastreux. Il m'a trahi, j'ai accouché toute seule. Mais le plus cocasse, ça a été de trouver un hôtel avec mon bébé. Jusque-là, je ne vois rien de très cocasse. À la rue, à New York, avec un nouveau-né. Comme si je te disais, en riant, je quitte mon mari. C'est le cas ? Oui. Je ne veux pas en parler. Mais ça ne me fait pas rire, je n'ai pas ton humeur fantasque à rire de tout. Gab, tu peux me dire à quoi ça rime, la vie ? Tout ce cirque, tout est sombre et plein d'énigmes. Et moi, je trouve ça drôle. Au fond, c'est juste absurde. Skiap, je te connais. Tu as une idée derrière la tête. Gab, je dois faire quelque chose de ma vie. Paul Poiret dit que je suis douée. Il est temps que je me lance. C'est bien toi, ça, de prendre tous les risques. Mais n'oublie pas, qui risque trop ne réussit pas. Qui trop aventura, rare volte aventura. Rappelle-toi, quand tu as voulu voler en te jetant du deuxième étage avec un parapluie ouvert. Qu'est-ce que tu as gagné ? J'avais 7 ans. Non, sans rire. Je voudrais ouvrir ma maison de couture. Mais comment ? À Rome, tu pourrais. La robe du soir que tu m'as faite, tout Venise m'a demandé d'où elle venait. Rentre avec moi, Skiap. À Paris, tu n'y arriveras pas. C'est en France que je dois le faire. Paris, c'est de la vitamine C. À la fin des vacances, sa fille rejoint son collège suisse et Elsa Schiaparelli rentre à Paris. Elle fréquente les artistes qu'elle avait rencontrés à New York grâce à Gabrielle Picabia, l'ex-femme du peintre qu'il avait hébergé avec son bébé à Greenwich Village. Elle se lie à Marcel Duchamp et Man Ray, dont elle devient un des premiers modèles. En 1926, comme l'écrit Hemingway, Paris est une fête. Au Bœuf sur le Toit, Elsa rencontre Tristan Tzara, Jean Cocteau, croise Coco Chanel, une femme qui l'inspire. C'était l'époque où les femmes commençaient à pratiquer la natation, le tennis, l'automobile, l'aviation, les sports de neige. Depuis, le sportswear est devenu un indispensable du vestiaire chic et un débouché commercial pour la haute couture. Elsa a réalisé une collection de sportswear pour la maison Lamballe, où elle travaille comme styliste. Mais à son retour des sports d'hiver, la maison ferme. Elle décide alors de lancer un modèle de sweater, un pull de sport, qu'elle signera de son nom. Un après-midi d'août, dans une chaleur étouffante, elle se rend à Montmartre. Ça doit être là, il faut absolument que je trouve cette tricoteuse. J'en ai besoin pour mes sweaters. J'espère qu'elle sera là. Oui ? Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger, j'ai quelque chose à vous demander. Je peux entrer ? Mais oui ! Bon, alors dites-moi. J'ai une amie américaine, elle habite ici, au 3e. Elle m'a parlé de vous. Vous lui avez tricoté un sweater, c'est bien vous ? Je lui avais dit de pas trop en parler. Mon vrai travail, c'est d'être concierge, vous comprenez ? Oui, oui, oui. Donc vous voulez un sweater ? Voilà. Il est tout simple en apparence, ce chandail que vous avez fait. Mais la maille est très différente de tout ce que j'ai vu. Beaucoup plus solide. Qu'est-ce que c'est que cette façon de tricoter ? C'est ce qu'on fait chez moi. Ah, et vous venez d'où ? Je suis arménienne. 1 million d'Arméniens ont été tués par les Turcs pendant la guerre. Alors, on s'est réfugiés en France. Moi, je viens de la campagne. On tricote comme ça. Ah oui ? Eh bien, c'est ce que je cherche, pour faire des pièces près du corps. Un tricot légèrement élastique, mais qui ne se détend pas comme le jersey. Donnez-moi un crayon. Attendez. Tenez. Merci. Là. Ça. Voilà. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que c'est ? Un nœud papillon tricoté en trompe-l'œil. Bon, d'accord, je ne sais pas dessiner, mais vous voyez l'idée. Le sweater serait noir et blanc. Vous pourriez le tricoter ? Un chandail avec un nœud papillon dessiné sur le devant. Oui. Le nœud en blanc sur fond noir. Voilà. Bon, je peux essayer. Oui, vous voulez bien, vraiment. Il va falloir faire pas mal d'essais et je suis sûre de rien. Oh, non, non, l'argent, on en parlera quand ce sera fait. Bien, alors merci. Comment vous vous appelez? Moi, je suis Elsa Schiaparelli. Oui, je sais, c'est imprononçable. Et moi donc, Arouzeag Azarian, né Mikaelian. On m'appelle Mick. Moi, je suis Skiap pour mes amis. Merci, Mick. Le sweater est réalisé par Mick et très vite remarqué. Un magasin de New York qui achète d'habitude chez Chanel passe commande à Elsa de 40 sweaters réalisés en 15 jours par Mick et ses tricoteuses arméniennes. En janvier 1927, Elsa présente sa première collection de sportswear, Display No. 1. Son sweater est décliné avec des motifs en trompe-l'œil, empruntant à l'imagerie masculine. Fausse cravate ou tatouage de marin avec serpent et cœur percé. Ce clin d'œil aux conventions s'inspire du surréalisme, ce mouvement artistique qui enthousiasme alors l'Europe. Vogue publie des photos dans son numéro de février, la collection est lancée. Elsa crée officiellement sa propre maison de couture, Elsa Schiaparelli, pour le sport, et déménage aux 4 rues de la Paix. Une adresse prestigieuse. En réalité, il s'agit d'une mansarde sous les toits, comprenant un petit atelier, une chambre et un salon de vente. Avril 1928, Elsa prépare dans l'urgence sa prochaine collection et dessine jour et nuit. Je ne veux rien m'interdire. Tout est réalisable, avec une diabolique audace. Mick trouvera des solutions, j'en suis sûre. Entre, Mick, c'est ouvert. Qui est beau? Dites donc, c'est le nom que vous avez choisi pour votre maison de couture? Elsa Schiaparelli pour le sport? Oui. Bon, personne n'arrive à le dire, mais tout le monde sait qui c'est. Donc c'est vous la sweater girl. Un trompe-l'œil sur un chandail, comme au cinéma, avec trucage et effet d'optique, ça n'a pas dû être facile. On peut le dire. Le premier essai a été un désastre. Il aurait juste pu aller à ma fille de 8 ans. C'est seulement au quatrième qu'on a compris. Je peux regarder vos dessins? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est un pyjama de plage à porter après le bain de mer. Et là, une tenue d'aviation pour Amelia Earhart. L'aviatrice qui a traversé l'Atlantique comme Lindbergh, vous la connaissez? Oui, si vous la voyez. Tellement modeste. Je lui ai dessiné cette combinaison en cuir verni et lin naturel. Un vêtement fonctionnel pensé pour une femme. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Elle est obligée de porter des combinaisons d'hommes. Oh, this too is gorgeous. Ah oui, vous aimez? Yeah. C'est pour le soir. Veste blanche et jupe fourreau en crêpe de Chine noire. Je peux l'essayer? Oui, si vous voulez. Il y a des paravents là-bas. Et après, vous me direz qui vous êtes. Bettina Jones. Je suis américaine, j'ai 25 ans. Un an que je suis à Paris et j'ai été un peu partout. Patou, Chanel. Je veux travailler avec vous, Madame Schiaparelli. Qu'est-ce que vous savez faire? Rien. Rien. Difficile de vous engager. C'est dommage. Vous portez très bien ma robe. Tournez. Oui. Pourquoi moi? Pour vous, la mode est un jeu. J'aime votre joie. Vos clientes aussi, c'est ce qu'elles aiment. C'est vrai. Mes meilleures clientes sont des femmes très sérieuses, épouses de diplomates ou de banquiers, qui avant ne portaient que des tenues très sévères. Allons, vous avez gagné, Bettina. Je vous prends. Yes! En juillet 1928, le succès d'Elsa Schiaparelli se confirme avec la présentation de sa collection Display No. 2. En août, elle sort son premier parfum intitulé S, une opération commerciale très lucrative. En 1932, elle peut quitter sa mansarde et descendre au premier étage du même immeuble. La plaque à l'entrée indique Elsa Schiaparelli, pour le sport, pour la ville, pour le soir. Elle embauche une secrétaire et installe 8 ateliers. Dans son showroom, décoré comme une cabine de bateau, bois sombre et banquettes de cuir blanc, Elsa présente un sac à main en forme d'étui à jumelles et des gants faits de papier et d'allumettes. Man Ray la photographie dans un manteau à col de fourrure, avec, posé sur ses cheveux coupés à la garçonne, un petit chapeau de laine, le Mad Cap. Matin du 2 juillet 1933. Dans l'atelier, Elsa regarde la photo parue dans une revue surréaliste. Le Mad Cap, personne n'y croyait. J'avais demandé à Mick de le fabriquer en bleu, vert, rouge. Un petit bonnet de lutin pointu, porté un peu de travers comme un chapeau chic, c'est plus drôle. Femme fatale au chapeau de clown. En tout cas, les commissionnaires, on s'en fout, ils achètent, tant mieux. Parce que le loyer, lui, il monte. Heureusement, j'ai mes vaillantes petites soldates. Bettina, la loyauté en personne. Loretta, ma jeune harpette italienne. Et Michel, une vendeuse hors pair. On est comme les quatre feuilles d'un trèfle. Mais elle est hors tard. Oh, Bettina! Pardon du retard. Laissez cette robe, s'il te plaît. J'y ai passé la nuit. Je ne vais pas mentir, j'ai rencontré un homme. Il est rentré à 5 heures du matin. Il revenait de la chambre. C'est un député de gauche. Vous allez en avoir des sujets de discussion. Montre. Ah. Non, là, les épaules sont trop basses. Je vais renforcer le rembourrage. Et tiens, une ceinture. La taille marquée et les épaules carrées, je vais avoir l'air d'une pointe de flèche. Oh, tu vas voir. Une robe doit être architecturale. Le corps et son armature. On peut modifier les courbes, accentuer ceci ou cela, mais on doit toujours garder l'harmonie. Plus le corps est respecté, plus la robe aura de vitalité. Mets le col, là. Oui, mets-le. J'ai l'air d'une fleur, un Botticelli. Tu sais, quand j'étais petite, je me trouvais laide. Non. Si. Il y avait un jardin autour du palais Corsini où j'habitais à Rome. Un jour, j'ai demandé des graines au jardinier et je les ai plantées dans mes oreilles et dans ma bouche. Mais quelle idée merveilleuse, surréaliste. Oui. Je voulais être la seule au monde à avoir le visage couvert de volubilis, de capucines, de pâquerettes. J'avais compris ce qu'est la beauté, colorée et éblouissante. J'y vais. Allô? Comment? Non. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Great. Les robes, elles ne peuvent pas être expédiées. Mais pourquoi? L'Amérique interdit l'importation de fermetures éclair. Mais quand je te disais que la vie est une farce... Depuis la crise de 1929, l'Amérique tente de limiter les importations. Mais le krach de Wall Street aura peu d'incidence sur le marché du luxe et Elsa fera merveille aux États-Unis. En fin de journée, elle rejoint son appartement du boulevard Saint-Germain, meublé de canapés en cuir brillant, orange et vert. Un appartement qu'elle partage avec sa meilleure amie, Gabrielle. Gab, te voilà. Quelle journée. Il me faut un verre et une cigarette. Qu'est-ce que t'écoutes? Cole Porter. Je te l'ai dit, non? C'est le parrain d'un de mes fils. Alviso? Non, Carlo Felice. Oh, ça me rend nostalgique, cette musique. Oh, le bracelet que tu portes, Skiap! Je le veux! C'est du plexiglas, incrusté d'écorce d'arbre. Du plexiglas? C'est Jean-Clément, je t'en ai parlé, le mari de ma vendeuse, Michel. Il est joaillier, un garçon formidable, un rêveur. Il m'a fait connaître toutes sortes de matériaux. Le cristal, le rhodoïde, la bakélite. La bakélite, je ne connais pas. Mais si, tu sais, les boîtiers de téléphone. On va faire toute une collection de bijoux fantaisie en plastique. C'est Elsa Triolet qui les réalise. La compagne de ce poète? Oui, Louis Aragon. Bon, j'arrête de parler boutique. J'aime bien te retrouver le soir en rentrant. Tu es plus qu'une sœur pour moi, une amie de toujours. Et en tant qu'amie, je veux que tout Paris admire ta collection. Alors on va refaire des dîners. J'ai fait changer les chaises. Oh non, Non, la dernière fois, c'était une catastrophe. Chanel me déteste ouvertement depuis. Comment on aurait pu prévoir qu'avec la chaleur, le beau caoutchouc blanc de nos chaises design allait coller aux fesses des invités? Les nouvelles chaises sont livrées demain. Et jeudi, on donne un dîner. Oh, pas tout de suite. Si, si, si. Et je porterai une robe de ta nouvelle collection. Celle que tu veux. Même celle avec les dessins tarabiscotés. C'est à ça qu'on reconnaît une vraie amie. Tu as le courage de porter mes productions les plus excentriques, alors que ce n'est pas ton genre. Et puis toi aussi, tu vas m'aider. J'ai décidé d'ouvrir une boutique à Milan. Ah ? Mon slogan, une mode pour les femmes qui se réalisent. Excellente décision. Tu peux compter sur moi. Allô ? Oui, c'est moi. Oui, c'est ma fille. Oh mon Dieu. Oui. Oui, vous avez mon autorisation. Bonsoir. Que se passe-t-il ? C'est Gogo. Elle a une appendicite foudroyante à infection rapide. Quoi ? Le médecin va l'opérer en urgence. Oh Gab, quelle angoisse ! Comme quand elle avait 15 mois et que l'on m'a froidement annoncé qu'elle était atteinte de paralysie infantile. Je prends le premier train pour Lausanne. Après un mois d'incertitude, Gogo se rétablit. Elsa se rend tous les deux jours à Lausanne et c'est la tête un peu ailleurs qu'elle présente sa première vraie collection qui est très appréciée. Elsa décide d'agrandir sa maison. Elle travaille avec de plus en plus d'artistes et parmi eux Jean Cocteau, qui a dessiné pour elle des motifs brodés. C'est avec lui qu'elle visite avec enthousiasme le 21 Place Vendôme, une ancienne maison de couture de 98 pièces, parquet 18e et lambris, qui devient sa propre maison. L'ouverture est prévue début 1935. Pour sa prochaine collection, Elsa utilise une innovation industrielle, la cellophane, qui, incrustée dans les tissus, donne un effet scintillant. 20 décembre 1934. Au volant de sa voiture, Elsa se rend dans ses nouveaux locaux. Ce que j'aime, la vitesse. La première fois que j'ai conduit, c'était à New York, une vieille Ford. Je suis partie à une allure folle. Oh, le pont de la Concorde. Mon moment préféré. Les péniches dans la brume, ce gris à la Whistler. Aujourd'hui, dans ma vie, il faut que j'accélère si je veux m'en sortir. Après la place Vendôme, la collection. Je vais me garer là, tiens. Bettina, suis-moi dans mon bureau. Ça y est, tu as mis Gogo dans le bateau ? Ouais, et c'est toujours aussi terrible quand on se quitte. Alors pourquoi la mettre à l'école à Londres ? Mais voyager, c'est la meilleure des expériences pour les enfants, Bettina. Gogo parle 4 langues. Elle a une solide personnalité et elle a surmonté son handicap. Non, j'ai bien fait. Yeah. Bon, au travail. Au fait, Jean est venu ce matin ? Oui. Il a apporté ça. Regarde. Oh ! Tes gants avec des fausses griffes de chat. Oh ! Idéal pour arracher les yeux de la jeune femme qui flirtera avec ton Gaston. Mais tu ris pas, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, mon Gaston, tu sais qu'il a fondé un mouvement antifasciste. Ils l'ont menacé de mort. Tout ça est très inquiétant. La fulgurante ascension de Mussolini, d'Hitler. Où on sera en février quand la boutique va ouvrir ? Faut pas y penser, sinon on ne fait plus rien. Bon, les tweeds, les manteaux de pluie, les saris, tout est prêt. Très bien. Elles ont posé les boutons en louis d'or, dit en pleine crise économique, se moquer de la dévaluation, ça va choquer, non ? C'est comme ça que la mode répond à l'époque. Plus l'époque est critique, plus la mode doit être excentrique. Et dans ce contexte, j'aimerais bien aménager une petite boutique au rez-de-chaussée où des gens modestes pourraient acheter des jolies choses prêtes à être portées, des petites robes légères, de la lingerie, des bijoux. On n'est pas un grand magasin, ici on fait du sur-mesure. Honestly, du prêt-à-porter dans une maison de haute couture. Et pourquoi pas ? Tout le monde a le droit de porter du Schiaparelli. Et puis est-ce qu'on a besoin de sur-mesure dans la vie de tous les jours ? Ok, j'appelle l'architecte. Et cette boutique, comment tu vas l'appeler ? Scap. Et c'est toi qui la dirigeras. En 1934, la crise se fait sentir en France par une chute de la production industrielle. La gauche est au pouvoir et les ligues d'extrême droite font monter la tension. Le 5 février 1935, la maison Schiaparelli ouvre au 21 Place Vendôme. La collection a été intitulée « Stop, Look and Listen », « Arrête, regarde et écoute ». Ces tenues luxueuses pour le bal et la croisière font sensation. Mais c'est la boutique de prêt-à-porter qui crée l'événement et distingue Elsa des autres couturiers en mettant sa griffe à la portée d'un large public. Bettina, qui la dirige, a l'idée de composer dans la vitrine des décors surréalistes avec des objets insolites. Sweaters épinglés sur un fil à linge et grenouilles de satin parées de bijoux. La vie d'Elsa est rythmée par le travail. Cet été 1935, elle s'accorde des vacances avec sa fille sur les bords de la Méditerranée. C'est si bon de vivre presque nue. Comme si on déshabillait sa personnalité, on se sent plus proche de soi-même et plus calme. Ah, c'est l'heure où j'appelle Paris. Allô? Bonjour Bettina, c'est moi. Tout va bien? Oh, c'est très calme. Tu verrais les touristes photographier ma vitrine. J'étais en train de me dire qu'elle est devenue aussi incontournable que le Louvre, la Tour Eiffel et les Folies Bergères. De ton côté, quoi de neuf? Gogo est amoureuse. Non. Si, d'un garçon qui joue de la scie, figure-toi. L'instrument le plus inattendu et le moins romantique qui soit, non? Rien sinon? Ah si, tu as reçu une invitation pour la foire commerciale du luxe français à Moscou. Organisé par le président du conseil, Édouard Herriot. Non. Qu'est-ce que je réponds? La Russie, Bettina. Yeah. Oui, ça m'attire. Le général Dourakine dans La Comtesse de Ségur, Tolstoï, les Tziganes. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, ils ont Staline. Et puis, qu'est-ce que je vais entendre si j'y vais? Avec toi comme directrice commerciale mariée à un député radical de gauche. Tu sais comment on le surnomme? Mmh. Le radical bolchevique. Sans rire, Gaston dit qu'en URSS, les vêtements sont distribués contre des tickets de rationnement. Mmh. Pourquoi y faire venir le luxe français? C'est très curieux. Qui y va? Tout le monde. Chanel, Guerlain, la liqueur Courvoisier et les champagnes Heitzig, Pommery, Roederer, même la Samaritaine. Bettina... Cette idée me fait rire. Ah. Il me demande de venir. Schiap, la représentante du pur sophistiqué. On en reparle quand je rentre à Paris. Ok. Elsa Schiaparelli se rend à Moscou et à la demande des autorités dessine une robe noire pour la citoyenne soviétique. En 1936, Léon Blum forme le gouvernement du Front Populaire dont le mari de Bettina, Gaston Bergerie, deviendra un des députés. Pendant les grèves de 1936, Elsa organise quelques présentations de prêt-à-porter dans des usines occupées. Elle voyage beaucoup. Le 15 décembre, elle revient à Paris en avion. On est ballotté dans tous les sens. Oh, ça se stabilise. C'est incroyable. Mon style chic excentrique plaît autant en Suède qu'en Amérique du Sud. Preuve s'il en est que la mode et les artistes ne vivent pas inconscients de ce qui les entoure. Non, ce n'est pas en allongeant ou en raccourcissant les jupes qu'on crée la mode. C'est à partir de la vie, des événements politiques. Où sommes-nous? Perdus quelque part dans le soleil couchant. Le ciel est d'un rose si pur. Je reconnais ce rose. Dans le jardin de mon enfance, c'était le même rose. Le mélange du rouge des bégonias avec le fuchsia des poivriers et l'orange des mandariniers. Un rose tellement lumineux, vif, plein de vie. Oh, si je pouvais recréer ce rose, ce rêve de joie. Le célèbre Shocking Pink, signé Schiaparelli, est mis au point par Jean Clément à partir d'un vernis réservé aux carrosseries automobiles. Dans cette couleur, Elsa réalise une cape brodée d'un soleil et des robes du soir à longue traîne. Simultanément, elle sort un parfum, Shocking, qui sera le favori de Frida Kahlo. C'est la peintre surréaliste Léonore Fini qui dessine le flacon, un buste sans tête aux mensurations de la star américaine Mae West. L'artiste Salvador Dali connaît sa consécration dans les années 30. C'est Bettina qui le présente à Elsa Schiaparelli. Avec lui, elle va concevoir un poudrier en forme de cadran de téléphone et le fameux bibi surréaliste, une chaussure renversée avec le talon en l'air. Elsa s'inspire aussi d'un des tableaux de Dali pour créer un tailleur à poche-tiroir. En 1936, Dali apprend la mort de son ami Federico Garcia Lorca, exécuté par les franquistes. Il en restera très affecté. L'année suivante, Elsa lui propose un nouveau projet. Avant qu'on se mette à travailler, je voulais vous dire que je partageais votre peine. Nous regrettons tous l'immense poète qu'était Lorca. On se connaissait depuis les Beaux-Arts. Federico m'a écrit une ode, vous savez. Dans leur blanc studio, les peintres modernes coupent les fleurs aseptiques de la racine carrée. Et le poète est mort. Olé. Vous acceptez la tristesse, vous ? Relativement. En revanche, je ne sais pas m'accommoder du bonheur. Moi, c'est l'ambition qui m'a détourné de la tristesse. À 6 ans, je voulais devenir cuisinière. À 7, Napoléon. Et depuis, mon ambition n'a cessé de grandir. À présent, cher ami, elle consiste à matérialiser l'irrationalité dans ma peinture. Vous voyez, démontrer que l'imaginaire existe aussi objectivement que la réalité phénoménale. Et ça fonctionne. Bettina a mis en vitrine votre ours blanc peint en rose Shocking. Les gens sont comme fascinés en le voyant. Ah là là, l'ami qui me l'a donné, il pleurait quand il l'a vu. Quoi ? Cet ours blanc, tué par mon grand-père dans l'Arctique, peint en rose avec des bijoux et un manteau de satin bleu ? D'ailleurs, c'est un peu dans le même esprit animal que j'ai conçu ce dessin que vous m'avez demandé. Ah, vous l'avez ? Très bien, très bien. Montrez. Un homard. La tête en bas et la queue au niveau de l'entrecuisse. Shocking. Ça me plaît. Je suis un surréaliste intégral, moi. J'ai décortiqué plusieurs homards pour faire ce dessin. Et j'espère qu'il sera sur une de vos créations. Oh, cher ami, on ne prononce jamais ce mot dans ma maison. Hein? Création, non. Hein? La mode, c'est l'art de l'éphémère. À peine né, il appartient au passé. Une robe ne s'accroche pas au mur comme un tableau. Vous êtes un créateur. Vous travaillez pour l'éternité. À la peinture. Vie éternelle, concrétissime. Mais pourquoi notre robe ne serait-elle pas éternelle, si elle est belle ? Il y a toujours une sorte de déception dans une robe. Ah. Oui, elle ne possède pas de vie propre. Et la personne qui la porte peut la détruire ou en faire un hymne à la beauté. Parfois, elle n'est plus qu'une pitoyable caricature de ce que l'on voulait qu'elle soit. Un rêve. Et qui va transcender notre robe homard, vous le savez ? La duchesse de Windsor. Ah. Elle m'a commandé plusieurs tenues. Je vois une robe en soie blanche, sans manches, de coupe très classique, style empire. Mmh. Et ce homard orange sur toute la longueur de la jupe. Mmh. C'est une femme qui a beaucoup d'humour. Bon alors, si elle a autant d'humour, ajoutons la mayonnaise. Homard mayonnaise. Cher ami, permettez-moi de disposer. Il se passe ici des phénomènes morphologiques qui vont transsubstancier l'essence des choses. Ma chère. Madame Schiap ? Mick, vous vouliez me voir. J'en ai pour une minute. Je viens vous dire au revoir. Oui. J'ai appris que vous vouliez arrêter le tricot. J'ai les yeux fatigués. Je vivrai de ma petite pension de retraite. Je vous remercie de m'avoir toujours suivi, quoi que je vous demande. Toutes ces années d'aventure ensemble. 12 ans. 40 sweaters pour l'Amérique. C'est comme ça que ça a commencé. Vous vous rappelez ? Un peu. Sans vous, on n'y serait jamais arrivé. Toutes les petites mains arméniennes de Paris s'y sont mises. Et vous avez travaillé sans compter. La nuit, le dimanche. Ah, ça. Et au moindre détail qui clochait, c'était la catastrophe. Vous partiez dans des colères en italien, l'opéra, quoi. Mais vous avez su faire de notre savoir ancestral arménien une forme d'art. Et ça, c'est précieux. Bon, je vous laisse, sinon je vais pleurer. Au revoir, Mick. Je passerai vous voir à Montmartre. Nous sommes amis pour toujours. 1938 est l'année de tous les périls en Europe. Elsa Schiaparelli souscrit à l'organisation Solidarité internationale antifasciste, créée pour aider les enfants orphelins de parents républicains espagnols. Cette année-là, pour une collection baptisée Le Cirque, elle s'inspire des spectacles équestres des Bouglione au Cirque d'hiver. 132 modèles somptueux, des crêpes de soie rose brodées d'éléphants en train de danser, des sacs en forme de ballon et des chapeaux en cône de crème glacée. Le défilé est une folle sarabande. Les clowns Fratellini entraînent la foule à travers les salons. Au milieu de ce tumulte, Elsa présente la Tears Dress, la robe de larmes, imprimée d'un seul motif, une larme rose magenta et noire en trompe-l'œil. La guerre approche, et avec elle, le monde d'Elsa Schiaparelli, fait d'extravagance, de poésie et de drôlerie, disparaîtra. 2 ans plus tard, dans Paris occupé, Elsa confiera la boutique à Bettina et rejoindra sa fille aux États-Unis. Mais pour l'instant, ce soir du printemps 1938, à l'apogée de sa carrière, elle apprécie sa solitude dans son hôtel particulier de la rue de Berry. Ici, je me sens enfin chez moi. Ma fille me sourit dans la photographie sur le piano. Mes tableaux m'entourent, posés n'importe où par terre. Léonore Fini, Man Ray, Cocteau, Giacometti, Dali. Travailler avec eux a quelque chose d'exaltant. Je me sens aidée, encouragée. Au-delà de la réalité matérielle et ennuyeuse qu'est la fabrication d'une simple robe à vendre, par la magie surréaliste, une robe devient une chose belle et vraie et raconte une histoire où l'étrange se transforme en merveilleux. La femme, je l'entraîne dans tous mes caprices, des dentelles, des capes de toréador, des habits d'arlequin, et la voilà masquée, jubilant. C'est ce qu'elle cherchera dans l'avenir, à se métamorphoser. Elsa Schiaparelli, la créatrice de mode Rose Shocking, de Christine Spianti, avec Elsa Schiaparelli, Anne Azoulay, Gabriella Elisabeth Hölzle, Mick Nathalie Kuznetsov, Bettina Jones, Caroline Binder, Salvador Dali, Robert Attizi. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Éric Boisset, Antoine Vieussat et Sacha Krine, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Sophie Haute-Picon. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter, je reprends dans quelques minutes la discussion sur Elsa Schiaparelli avec mon invitée Elisabeth de Feydeau. My body bruised all over my skin. My lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in. And now I'm high. Was it all a dream? Juice of Mandarins sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin. Programmation musicale Thierry Dupin. À la technique, Sofiane Aktib. Elisabeth de Feydeau, on a donc quitté Elsa Schiaparelli à Paris en 1938, donc à l'époque de la montée des périls en Europe. C'est un moment charnière pour elle aussi. Oui, tout à fait, et elle l'exprime très bien quand elle dit que plus les temps sont difficiles, plus les grandes extravagances arrivent. Et en matière d'extravagance, elle est quand même la reine de tout Paris. C'est le moment où le plus, de sommet de sa carrière. Oui, elle est vraiment au sommet de sa carrière, aussi bien en France qu'à l'international. C'est-à-dire qu'elle a une renommée. D'ailleurs, il y avait un sondage entre guillemets qui avait été fait à New York sur le nom, entre guillemets, français, une fois encore, le plus connu, et c'était Schiaparelli. Ah oui. Donc elle a été vraiment extrêmement célèbre. Elle habite toutes les stars de Hollywood à l'époque. Il y a Marlène Dietrich, oui. Greta Garbo. Exactement. Et une anecdote assez amusante, on prétend même que c'est elle qui aurait fait la carrière de Catherine Hepburn. Parce qu'elle repère, un jour, elle est dans sa boutique Place Vendôme, et elle repère une fille un peu trop grande, un peu gauche, américaine, donc, à qui elle prodigue quelques conseils, parce que n'oubliez pas que c'est son premier métier, en fait, d'être styliste, de conseiller les femmes dans leur style. Et puis la jeune femme repart, absolument ravie de ses emplettes. Elle n'était pas connue à l'époque. Pas du tout. Ouais. Et ensuite, en feuilletant un magazine, elle s'aperçoit que cette fameuse grande fille un peu gauche, c'était Catherine Hepburn. Et Catherine dit après que c'est Schiaparelli qui a fait sa carrière. Parce qu'elle lui a donné un style. Ouais, elle a eu Lorraine Bacall aussi. Oui. Ce qui est très original avec Elsa Schiaparelli et assez unique, il me semble, c'est sa relation avec les artistes surréalistes notamment. Elle disait, enfin, c'est ce qu'elle écrit dans ses mémoires, travailler avec des artistes tels que Jean Cocteau, Salvador Dali, et avec des photographes comme Cécile Beaton ou Man Ray, avait quelque chose d'exaltant. On se sentait aidé, encouragé, au-delà de la réalité matérielle et ennuyeuse qu'est la fabrication d'une robe à vendre. C'est intéressant parce qu'elle n'a pas envie seulement de fabriquer des robes, quoi. C'est pas seulement ça qui l'intéresse, c'est aussi cette relation avec l'art, les artistes. Oui, il ne faut pas oublier son milieu. Elle est née au milieu d'intellectuels, d'artistes. Elle est née dans un foisonnement éclectique, si vous voulez, sur le plan culturel. Donc, pour elle, l'histoire de l'art, les mythologies, tout ça, ça la nourrit. Elle en a besoin. Donc, elle ne peut pas uniquement faire des robes. Et c'est pour ça que Chanel dira avec beaucoup de mépris, moi j'habille les femmes, Schiaparelli les déguise. Ouais, ouais. Mais non, l'italienne qui déguise les femmes. Exactement. Mais parce que pour Schiaparelli, il fallait du rêve dans la réalité et c'est pour ça qu'elle est surréaliste par nature. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant la guerre? Est-ce qu'elle maintient sa maison de couture à Paris? Oui, elle la laisse ouverte, entre autres, pour que ses midinettes, comme elle les appelait, comme on appelait d'ailleurs le personnel féminin de la couture, ne se retrouvent pas au chômage. Donc, elle veut rester dans un premier temps en France, à Paris. Elle veut pas lâcher cette patrie qui lui a ouvert les bras. Et c'est Lucien Lelong, qui était donc le grand couturier et aussi le président du syndicat de la couture, ainsi que le capitaine Molineux, qui lui conseille de partir parce qu'elle est italienne, parce que sa fille est américaine et que c'est beaucoup trop dangereux pour elle de rester à Paris. Donc elle va partir en 41 à New York, mais elle revient en 45. Et elle revient même avant entre deux parce que c'est comme ça qu'elle n'assiste pas au mariage de sa fille pour apporter des médicaments de la Croix-Rouge aux enfants français. Donc il y a cette volonté d'aider sa patrie coûte que coûte et au péril de sa vie de façon très courageuse. Elle a une forte relation avec Paris. Je vous propose d'écouter justement Elsa Schiaparelli évoquer à la radio française ce qu'elle doit à Paris, justement. Je viens de Rome. Paris, c'est autre chose. Il ne faut pas faire de comparaison, jamais. Parce qu'on peut avoir des amours différents, des racines différentes. Et il y a des racines qu'on a quand on est né, et il y a des racines qu'on choisit. Elsa Schiaparelli, vous êtes arrivée à Paris, vous étiez toute jeune. Ça a été même excessivement difficile. J'ai dû gagner ma vie et j'ai dû vaincre ce que tout le monde doit vaincre, c'est-à-dire le besoin d'avoir un morceau de pain. Dans Paris, j'ai trouvé une atmosphère qui a répondu à l'atmosphère de ma naissance, n'est-ce pas, qui avait été comme une espèce de blé qui avait été semé et qui dans Paris est sorti, comme une espèce de floraison qui est venue dans Paris, et qui m'a donné la possibilité de travailler tout d'un trait où je ne savais pas travailler. Elsa Schiaparelli, donc interviewée à la radio française en 1953, c'est une voix assez étonnante, très forte. Très chantante aussi, oui. Avec cet accent italien, et... oui. Mais très déterminée, oui. Donc elle est rentrée à Paris, vous l'avez dit, Elisabeth de Feydeau, à l'été 1945, mais la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que ça marque un tournant malgré tout dans sa carrière, elle va continuer, mais comme si mais les choses ne reviennent pas vraiment comme avant. Il y a Christian Dior, 1947, qui lance le new look, une mode très gracieuse, des robes évasées, étroites à la taille, c'est le retour du corset, une mode féminine faite d'abord pour plaire aux hommes, alors que celle d'Elsa Schiaparelli, il me semble, est faite d'abord pour que les femmes se fassent plaisir à elles-mêmes, non ? Tout à fait. Tout en étant belle, mais... Elsa, quand elle revient en 45, elle a à la fois l'envie d'aider ces femmes qui ont souffert pendant la guerre, elle trouve que c'est horrible, elle voit des femmes habillées, mais c'est de la misère, quoi. Ouais. Donc, elle veut les aider, et en même temps, elle n'a plus le souffle. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle ne rencontre plus son époque. Et ça, c'est terrible, c'est une véritable souffrance pour elle, parce qu'elle n'y arrive pas. Et effectivement, en 47, c'est la bombe du new look qu'elle va détester. Et la réponse de Schiaparelli, avec toujours son humour, ça sera « et puis zut !» Et elle en fera un parfum. Ah, un parfum qui va s'appeler Zut. Ah, Zut. Qui était une autre expression favorite de Schiaparelli. Oui, son style n'est plus dans l'air du temps. Il y a aussi quelque chose, Coco Chanel, bon, forcément, elle était un peu rivale, mais quand elle dit que c'est l'italienne qui déguise les femmes, c'est vrai que ses vêtements sont extraordinaires, extravagants, mais il y a quelque chose d'un peu d'un déguisement, d'une fête, un peu d'une fête costumée. D'ailleurs, elle adorait les fêtes costumées, les bals masqués. Alors, elle, dans les années 50, elle participe à tous ces grands bals qui existent encore, et on la voit déguisée en radis, etc. Donc ça, elle a tout à fait le tempérament pour ça. Mais c'est vrai que sa mode, comme vous le dites, n'est plus adaptée aux attentes des femmes, au corps des femmes aussi peut-être. Il y a un second souffle qui lui est apporté par Hubert de Givenchy, qui arrive donc dans les tout débuts 51 chez Schiaparelli, qui va relancer la boutique de prêt-à-porter qui est aussi Place Vendôme. Et ça va lui donner un second souffle, un peu de modernité, du sang neuf comme on dit. Mais bon, elle ne se sent plus, elle a beaucoup lutté Schiaparelli, elle est fatiguée. Mm-hmm. Et elle le dit d'ailleurs, elle a des problèmes de santé en 53 et c'est pour ça qu'elle ne veut plus. Donc Elsa Schiaparelli meurt en 1973. Quel a été son apport à la mode ? En quoi a-t-elle été novatrice ? Bah, déjà, par sa façon d'intégrer l'art dans la mode. C'est vrai que Chanel va aussi côtoyer les mêmes artistes que Schiaparelli. Mais Schiaparelli vraiment collabore avec eux main dans la main. On le voit très bien pour la robe Omar avec Salvatore Dali. Ils sont co-auteurs d'une même œuvre. Mmh. Et ça, c'est très nouveau. Elle va aussi créer les licences. Qu'est-ce que c'est, les licences ? Alors, comme elle a cette double vie avec les États-Unis, elle signe un certain nombre de licences avec les États-Unis. Alors, les lunettes Schiaparelli, les collants Schiaparelli, c'est qu'en fait, vous vous associez à un autre savoir-faire et vous y mettez votre nom, marque. Oui. Votre marque et aussi votre regard quand même, parce qu'il fallait qu'elle approuve les modèles. Elle a donc des descendants dans la mode plus récente ? Alors oui, des descendants indirects, parce qu'elle n'a pas déterminé d'héritier. Jean-Paul Gaultier quand même. Alors Jean-Paul Gaultier beaucoup, Mugler aussi, avec cette carrure, ces femmes fortes. Les années 80. Les années 80. On peut trouver aussi Sonia Riquel, avec la reine du tricot. Ah oui. Et puis Saint-Laurent. Saint-Laurent qui l'a habillée à la fin de sa vie. C'est Saint-Laurent qui l'habille. Et on retrouve le rose shocking chez Saint-Laurent, le nœud, on retrouve énormément de choses de chez Schiaparelli. Les broderies chez Lacroix. Merci beaucoup Elisabeth de Feydeau. Votre livre Elsa Schiaparelli, l'extravagante, a été publié donc en 2022 chez Flammarion. À lire également les mémoires d'Elsa Schiaparelli, Shocking, qui ont été rééditées et retraduites en mai 2022 chez De Noël avec des dessins de Christian Bérard et une préface de Sophie Fontanelle. Et à voir, il faut se dépêcher, la très belle exposition Shocking, les mondes surréalistes d'Elsa Schiaparelli au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 22 janvier 2023. Yeah. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons à la rencontre d'une autre femme de tête, la journaliste libertaire et militante féministe Séverine. C'est elle qui, avec son ami Jules Vallès, a fondé le journal Le Cri du Peuple. Mais après la mort de Vallès, Séverine, première femme à diriger un grand quotidien, aura toutes les peines du monde à récupérer la direction de son journal. Séverine et le Cri du Peuple, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter. Si vous avez aimé cet ex-podcast, vous allez aussi aimer La Régence en musique, que la fête commence. Un ex-podcast original du Centre de musique baroque de Versailles, France Musique et de la Comédie Française, pour découvrir cette année exceptionnelle du rayonnement de la musique en France. La Régence en musique, que la fête commence, à retrouver sur le site France Musique, l'application Radio France et le site expodcast.cmbv.fr.